y a l'école maternelle. Ok. Là, il y a un parking. À côté, il y a la boulangerie. Ouais. Il y a un arrêt de bus. Ouais. Et un parking pour handicapés. D'accord. Ouais. Là, on peut bien voir la boulangerie. Ouais. Voilà. Là, il y a le relais. C'est pour déposer les vêtements. D'accord. Là, on va prendre un autre passage piéton. Ouais. Là, il y a des maisons. Il y a l'entretemps. Ouais. Le restaurant. Hop, là, on va monter un petit peu pour redescendre. Là, c'est l'école du Sacré-Cœur. D'accord. Donc, voilà, le privé. Là, il y a des immeubles à côté. Ouais. Voilà. Il y a quelques places de parking. D'accord. Là, il y a des maisons. Là, il y a une maison avec un grand jardin. Voilà. Là, il y a des voitures qui se garent là, des fois, mais c'est pas bien. C'est dangereux. Ouais. Là, c'est dangereux, le passage. Là, il y a d'autres maisons. Enfin, il y a beaucoup. Ouais. Voilà. Là, il n'y a pas de passage piéton, mais c'est pas du tout pratique. Là où les voitures descendent et... Comment... là, il y a... En fait, tu vas voir que... En fait... Et du coup, ça serait mieux d'avoir un passage piéton là. D'accord, ok. Et voilà.